et qui paraissait être le chef, reprit d'une voix traînante, à la façon d'un fossoyeur de Shakespeare, « Tu mets des lanternes vertes à la chambre de Wellington. T'en mettrais aussi bien des rouges, tu ne t'y connais pas plus que moi. » Un silence. Wellington, c'était un Américain? Eh bien, c'est-il une couleur américaine, le vert? Toi, le comédien qui a voyagé, tu devrais savoir ça. Oh là là, répondit le comédien. Voyager, oui, j'ai voyagé, mais je n'ai rien vu. Que veux-tu voir dans une roulotte? Moon, avec précaution, regarda entre les rideaux. Celui qui commandait la manœuvre était un gros homme, nu-tête, enfoncé dans un énorme paletot. Il tenait à la main une longue perche garnie de lanternes multicolores, et il regardait paisiblement, une jambe croisée sur l'autre, travailler son compagnon. Quant au comédien, c'était le corps le plus lamentable qu'on puisse imaginer. Grand, maigre, grelottant, ses yeux glauques et louches, sa moustache retombant sur sa bouche édentée, faisait songer à la face d'un noyer qui ruisselle sur une dalle. Il était en manche de chemise et ses dents claquaient. Il montrait dans ses paroles et ses gestes le mépris le plus parfait pour sa propre personne. Après un moment de réflexion amère et risible à la fois, il s'approcha de son partenaire et lui confia, les deux bras écartés, « Veux-tu que je te dise? Je ne peux pas comprendre qu'on soit allé chercher des dégoûtants comme nous pour servir dans une fête pareille. Voilà, mon gars !» Mais, sans prendre garde à ce grand élan du cœur, le gros homme continua de regarder son travail, les jambes croisées, bâilla, renifla tranquillement, puis, tournant le dos, s'en fut, sa perche sur l'épaule, en disant « Allons, en route, il est temps de s'habiller pour le dîner. » Le bohémien le suivit, mais, en passant devant l'alcôve, « Monsieur l'endormi, fit-il avec des révérences et des inflexions de voix gouailleuses, vous n'avez qu'à vous éveiller, à vous habiller en marquis, même si vous êtes un marmiteux comme je suis. Et vous descendrez à la fête costumé, puisque c'est le bon plaisir de ces petits messieurs et de ces petites demoiselles. » Il ajouta sur le ton d'un boniment forain avec une dernière révérence. « Notre camarade Maloyau, attaché aux cuisines, vous présentera le personnage d'Arlequin, et votre serviteur, celui du grand Pierrot. » Chapitre 13. La fête étrange. Dès qu'ils eurent disparu, l'écolier sortit de sa cachette. Il avait les pieds glacés, les articulations raides, mais il était reposé et son genou paraissait guéri. Descendre au dîner, pensa-t-il, je ne manquerai pas de le faire. Je serai simplement un invité dont tout le monde a oublié le nom. D'ailleurs, je ne suis pas un intrus ici. Il est hors de doute que M. Maloyau et son compagnon m'attendaient. Au sortir de l'obscurité totale de l'alcôve, il put y voir assez distinctement dans la chambre éclairée par les lanternes vertes. Le bohémien l'avait garni. Des manteaux étaient accrochés au patère. Sur une lourde table à toilette, au marbre brisé, on avait disposé de quoi transformer en muscadin tel garçon qui eût passé la nuit précédente dans une bergerie abandonnée. Il y avait sur la cheminée des allumettes auprès d'un grand flambeau. Mais on avait omis de cirer le parquet. Et Moon sentit rouler sous ses souliers du sable et des gravats. De nouveau, il eut l'impression d'être dans une maison depuis longtemps abandonnée. En allant vers la cheminée, il faillit buter contre une pile de grands cartons et de petites boîtes. Il étendit le bras, alluma la bougie, puis souleva les couvercles et se pencha pour regarder. C'étaient des costumes de jeunes gens d'il y a longtemps, des redingotes à haut col de velours,